vente immobilière, TVA sur la marge. Selon l'administration, en matière de ventes immobilières, la TVA ne peut être calculée sur la marge que si le bien revendu est identique au bien acquis, tant sur le plan de ses caractéristiques physiques que de sa qualification juridique. Cela suppose en particulier que les surfaces revendues ne soient pas modifiées. À défaut, en cas de division parcellaire intervenue entre l'acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification ou un changement physique, telle une modification des superficies vendues par rapport à l'acte d'acquisition, la taxation doit se faire sur le prix de vente total.